Je m'en retournai dans la nuit. La lune s'était tout à fait cachée et la pluie tombait maintenant très fine. Je marchai encore longtemps avant d'arriver au village. Les maisons étaient toutes fermées et c'est à peine si on les distinguait dans l'obscurité. Il n'y avait que le forgeron qui était levé. En passant devant sa maison, je montai ces deux marches avec l'intention de me reposer chez lui. Il était occupé à mettre une grosse barre de fer dans les charbons rouges, et quand il leva le bras pour tirer le soufflet, il me parut aussi grand qu'un géant. À chaque coup de soufflet, le charbon flambait et pétillait. Cela faisait une lueur qui éclairait les murs où pendaient des faux, des scies et des lames de toutes sortes. L'homme avait le front plissé et il regardait fixement le feu. Je sentis que je n'oserais jamais lui parler, et je m'éloignai sans faire de bruit. Lorsqu'il fit tout à fait jour, je vis que je n'étais plus éloigné de la ville. Je reconnaissais même les endroits où sœur Marie-Aimée nous conduisait dans nos promenades. Je ne marchais plus que lentement, entraînant les pieds qui me faisaient beaucoup souffrir. J'étais si lasse que je fus obligé de me faire violence pour ne pas m'asseoir sur les tas de cailloux de la route. Le bruit d'une voiture allant à fond de train me fit tourner la tête. Aussitôt, je restai immobile et le cœur battant. J'avais reconnu la jument rouge et la barbe noire du fermier. Il arrêta sa bête tout contre moi, et, se penchant un peu, il me saisit d'une seule main par la ceinture de ma robe. Il me déposa à côté de lui, sur le siège, et, après avoir tourné la bride, la voiture repartit à grand train. En rentrant dans la forêt, maître Sylvain mit la jument au pas. Il se retourna vers moi et dit en me regardant. « C'est heureux pour toi que je t'ai rattrapé. Sans cela, on t'aurait ramené entre deux gendarmes. » Comme je ne répondais pas, il reprit. « Tu ne sais peut-être pas qu'il y a des gendarmes pour amener les petites filles qui se sauvent. » Je répondis. « Je veux aller voir sœur Marie-Aimée. » Il demanda. « Tu es donc malheureuse chez nous ?» Je répondis encore. « Je veux aller voir sœur Marie-Aimée. » Il avait l'air de ne pas comprendre et il continuait ses questions en nommant chaque personne de la ferme pour savoir de qui j'avais à me plaindre. Et chaque fois, je répondais la même chose. À la fin, il perdit patience et se redressa en disant « Quel entêté !» Je levai les yeux sur lui pour dire que je me sauverais encore s'il ne voulait pas me conduire vers sœur Marie-Aimée. Je continuai de le regarder en attendant sa réponse, et je vis bien qu'il était embarrassé. Il resta un long moment à réfléchir. Puis il me dit en mettant sa main sur mon genou. « Écoutez-moi, ma petite, et tâchez de comprendre ce que je vais vous dire. » Et quand il eut fini de parler, je sus qu'il avait pris l'engagement de me garder jusqu'à l'âge de 18 ans, sans jamais m'emmener à la ville. Je sus aussi que la supérieure avait tous les droits sur moi, et que, si je me sauvais encore, elle ne manquerait pas de me faire enfermer, sous prétexte que je courais les bois toute seule pendant la nuit. Il termina en disant qu'il espérait que j'oublierais le couvent et que je me prendrais d'affection pour lui et sa femme, qui ne voulait que mon bien. J'étais très troublée et je retenais une grosse envie de pleurer. « Allons, dit le fermier en me tendant la main. Soyons bons amis, voulez-vous ? » Je lui donnai ma main et pendant qu'il la serrait un peu fort, je répondis « Je veux bien. » Il fit claquer son fouet et on eut bientôt dépassé la forêt. La pluie tombait toujours, fine comme un brouillard, et les labours paraissaient encore plus noirs. Dans une pièce de terre qui touchait à la route, un homme venait vers nous en faisant de grands gestes. Pendant un instant, je crus qu'il me menaçait, mais quand il fut prêt, je vis qu'il serrait quelque chose dans son bras gauche, pendant que le bras droit faisait le geste de faucher à la hauteur de sa tête. J'étais si intrigué que je regardais maître Sylvain. Au même instant, il dit, comme s'il me répondait, « C'est Gaboret qui fait ses semailles. » Quelques instants après, nous arrivions à la ferme. La fermière nous attendait sur le pas de la porte. En m'apercevant, elle ouvrit la bouche, comme si elle était restée longtemps sans respirer, et son visage sérieux perdit un moment son air inquiet. Je passai devant elle pour prendre mon manteau, et j'allai droit à la bergerie. Les moutons sortirent en se bousculant. Ils auraient dû être au champ depuis longtemps déjà. Tout le jour, je pensais à ce que m'avait dit le fermier. Je ne comprenais pas pourquoi la supérieure voulait m'empêcher de voir Sœur Marie-Aimée. Mais je comprenais que Sœur Marie-Aimée ne pouvait plus rien pour moi, et je me résignais en pensant qu'un jour viendrait où personne ne pourrait m'empêcher de la rejoindre. À l'heure du coucher, la fermière m'accompagna pour mettre une couverture de plus sur mon lit, et après m'avoir souhaité le bonsoir, elle me défendit de lui dire madame. Elle voulait que je l'appelle tout simplement Pauline. Puis elle s'en alla, après m'avoir dit que j'étais un peu l'enfant de la maison, et qu'elle ferait tout son possible pour que je m'habitue à la ferme. Le lendemain, maître Sylvain me fit asseoir à table à côté de son frère. Il lui dit en riant qu'il ne fallait pas me laisser jeûner, parce que j'avais bien besoin de grandir. Le frère du fermier s'appelait Eugène. Il parlait très peu, mais il regardait toujours ceux qui parlaient, et ses petits yeux avaient souvent l'air de se moquer. Il avait 30 ans, mais il n'en paraissait pas beaucoup plus de 20. Il savait toujours répondre à ce qu'on lui demandait, et je ne sentais aucune gêne auprès de lui. Il se serra près du mur pour me faire plus de place à table, et il répondit seulement au fermier « Sois tranquille ». Maintenant que tous les champs étaient labourés, Martine menait ses brebis très loin dans des pâturages qu'ils appelaient les communs. Le vacher et moi menions nos bêtes le long des prés et dans les bois où il y avait de la bruyère. Je souffrais beaucoup du froid, malgré un grand manteau de laine qui me couvrait jusqu'aux pieds. Le vacher allumait souvent du feu. Il partageait avec moi les pommes de terre et les châtaignes qu'il faisait cuire sur les charbons. Il m'apprenait à connaître de quel côté venait le vent, afin de profiter du plus petit abri contre le froid. Et tout en nous chauffant, il me chantait la chanson de l'eau et du vin. C'était une chanson qui avait au moins 20 couplets. L'eau et le vin s'accusaient réciproquement de faire le malheur du genre humain, tout en s'adressant à eux-mêmes les plus grands éloges. Moi, je trouvais que c'était l'eau qui avait raison. Mais le vacher disait que le vin n'avait pas tort non plus. Nous restions de longues heures ensemble. Il me parlait de son pays, qui était très éloigné de la Sologne. Il me raconta qu'il avait toujours été vacher, et qu'un taureau l'avait roulé et blessé quand il était encore enfant. Il en était resté longtemps malade, avec des douleurs qui le faisaient crier. Puis les douleurs avaient fini par s'en aller, mais il était devenu tout tordu comme je le voyais. Il se souvenait du nom de toutes les fermes où il avait été vacher. Les gens étaient méchants ou bons, mais jamais il n'avait trouvé de si bon maître qu'à Ville-le-Vieille. Il trouvait aussi que les vaches de maître Sylvain ne ressemblaient pas à celles de son pays, qui étaient petites, avec des cornes pointues comme des fuseaux. Celles-ci étaient grandes et fortes, avec des cornes rugueuses et sans finesse. Il les aimait et leur parlait en les nommant par leur nom. Sa préférée était une belle vache blanche que maître Sylvain avait achetée au printemps. À tout instant, elle levait la tête et regardait au loin, et tout d'un coup, elle partait, le mufle tendu. Le vacher criait à pleine voix « Arrête, la blanche, arrête !» Le plus souvent, elle s'arrêtait d'elle-même, mais il y avait des moments où il fallait lui envoyer le chien. Il lui arrivait aussi de lutter contre lui pour passer quand même, et c'était seulement quand il la mordait au mufle qu'elle rentrait dans le troupeau. Le vacher la plaignait et disait « On ne sait pas ce qu'elle regrette. » Au mois de décembre, les vaches restèrent tout à fait à l'étable. Je croyais qu'il en serait de même des moutons. Mais le frère du fermier m'expliqua que la Sologne était un pays très pauvre et que les fermiers ne récoltaient pas assez de fourrage pour nourrir toutes leurs bêtes. À présent, je m'en allais seul le long des prés et dans les bois. Tous les oiseaux étaient partis. Le brouillard s'étendait sur les terres labourées et les bois étaient pleins de silence. Il y avait des jours où je me sentais si abandonnée que je croyais que la terre s'était écroulée autour de moi, et quand un corbeau passait en criant dans le ciel gris, sa voix forte et enrouée semblait m'annoncer les malheurs du monde. Les moutons eux-mêmes ne sautaient plus. Le marchand avait emmené tous les mâles, et les petites femelles ne savaient plus jouer entre elles. Elles marchaient, serrées les unes contre les autres, et même quand elle ne mangeait pas, elle restait la tête baissée. Quelques-unes me faisaient penser à des petites filles que j'avais connues. Je les caressais en les forçant de lever la tête, mais leurs yeux restaient tournés en bas et leurs prunelles fixes ressemblaient à du verre sans reflet. Un jour, je fus surprise par un brouillard si épais qu'il me fut impossible de reconnaître mon chemin. Je me trouvai tout à coup auprès d'un grand bois qui m'était inconnu. Le haut des arbres se perdait complètement dans le brouillard, et les bruyères paraissaient tout enveloppées de laine. Des formes blanches descendaient des arbres et glissaient sur les bruyères en longues traînées transparentes. Je poussai les moutons vers le pré qui était à côté. Mais ils se tassèrent et refusèrent d'avancer. Je passai devant eux pour voir ce qui les empêchait d'aller plus loin, et je reconnus la petite rivière qui coulait au bas de la colline. C'est à peine si on voyait l'eau. Elle avait l'air de dormir sous une épaisse couverture de laine blanche. Je restai un long moment à la regarder, puis je ramenai mes moutons le long du bois. Pendant que je cherchais à reconnaître de quel côté se trouvait la ferme, les moutons contournèrent le bois et ils se trouvèrent bientôt sur un chemin bordé de haies. Le brouillard s'épaississait encore et il me sembla que je marchais entre deux hautes murailles. Je suivais les moutons sans savoir où ils me menaient. Ils quittèrent brusquement le chemin pour tourner à droite, mais je les arrêtai aussitôt. Je venais d'apercevoir l'entrée d'une église. Les portes en étaient grandes ouvertes, et de chaque côté, on voyait deux lumières rouges qui éclairaient la voûte grise. D'énormes piliers se rangeaient en ligne droite, et tout au fond, on devinait les fenêtres à petits carreaux qu'une lumière éclairait faiblement. J'avais beaucoup de mal à empêcher les moutons d'aller vers cette église, et tout en les repoussant, je m'aperçus qu'ils étaient couverts de petites perles blanches. Ils se secouaient à chaque instant, et cela faisait comme un léger bruit de cliquetis. Je ne savais que penser de tout cela. Puis une grande inquiétude me vint à l'idée que maître Sylvain devait m'attendre avec impatience. Je me persuadais qu'en retournant sur mes pas, je retrouverais facilement la ferme. Et en faisant le moins de bruit possible, je repoussais les moutons sur le chemin qui m'avait amené. Comme j'entrais dans ce chemin, une voix d'homme s'éleva près de moi. Elle disait « Laissez-les donc rentrer, ces pauvres bêtes !» Et en même temps, l'homme faisait retourner le troupeau vers l'église. Je reconnus tout de suite Eugène, le frère du fermier. Il passa sa main sur le dos d'un mouton en disant « Ils sont jolis avec leurs petites boules de givre, mais ce n'est pas bon pour eux. » Je ne fus pas étonné de le rencontrer là. Je lui montrai l'église en lui demandant ce que c'était. « C'était pour toi, » me répondit-il. Je craignais que tu ne retrouves pas l'allée des châtaigniers, et j'avais suspendu une lanterne de chaque côté. Quelque chose se brouilla dans ma tête, et ce ne fut qu'au bout d'un instant que je compris que ces gros piliers noircis et délabrés par le temps étaient tout simplement les troncs des châtaigniers. En même temps, je reconnus les fenêtres à petits carreaux de la grande salle que le feu de la cheminée éclairait. Eugène compta lui-même les moutons. Il m'aida à leur faire une chaude litière de paille, et au moment où je sortais de la bergerie, il me retint pour me demander si vraiment j'ignorais ce qu'étaient devenus les deux agneaux perdus. Je fus prise d'une grande honte en pensant qu'ils pouvaient croire que je mentais, et je ne pus m'empêcher de pleurer en lui assurant qu'ils avaient disparu sans que je m'en fusse aperçue. Alors, il m'apprit qu'il les avait retrouvés noyés dans un trou d'eau. Je crus qu'il allait me gronder pour ma négligence. Mais il me dit doucement « Va vite te chauffer, tu rapportes dans tes cheveux tout le givre de la Sologne. » Je me promis d'aller voir le trou d'eau dès le lendemain. Mais pendant la nuit, la neige tomba si épaisse qu'il ne fallut pas penser à aller au champ. J'aidai la vieille Bibiche à raccommoder le linge, et Martine se mit à filer son rouet en chantant des complaintes.